see you there. We can forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown, things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you. Copie non conforme. Les Calamités étaient un groupe de filles français qui avaient interprété la chanson des Who, The Kids Are Alright, en 1984. L'original figure sur l'album My Generation, paru lui en 1965. Copie non conforme. Un titre de Creedence Clearwater Revival maintenant. Il s'agit de Bad Moon Rising, paru en 1969. On va l'écouter aussi joué en live par The Killers en 2014. Happy Together a été un grand hit de The Turtles en 1967. Ça a également été la musique du film Gatsby le Magnifique avec Leonardo DiCaprio en 2013. La chanson était interprétée dans le film par le groupe Filter. tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. Copie non conforme. On va terminer aujourd'hui par un grand classique français de Françoise Hardy. Comment te dire adieu ? Et c'est Jimmy Somerville et June Miles qui nous chantent la version cover. Explique un peu mieux comment te dire adieu.